with tout ce qu'il avait. Des hommes dépouillés, où était-ce qu'il s'en allait, le laissant à Dieu. Pourquoi donc ?

t'ai aimé. Je vous ai aimé. À ceci. J'étais malade. toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un des plus petits. C'est à moi que vous ne l'avez pas fait. C'est à moi que vous ne l'avez pas fait. J'ai eu faim, vous m'avez donné du pain. J'ai eu soif, vous m'avez donné de l'eau. J'étais nu et vous m'avez vêtue.

tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ta pensée. De toute ta pensée.